Loi 1416. Une émission de Pierre Dac. Eh ben les gars, est-ce que vous avez regardé le calendrier? Ben oui. Moi, ça m'intéresse pas, absolument pas. Quoi, on est le 17, et alors? Ben moi, je m'en fous. Oh, et moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ben et alors? Il ne reste plus que 341 jours jusqu'au prochain réveillon de Noël. Eh oui, sans compter les jours de grève. Oui, ça, c'est en plus. Eh ben, il n'y a pas de minute à perdre. Faut prendre immédiatement nos dispositions pour préparer le prochain réveillon. Oui, ça Entrez. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Messieurs. Qu'est-ce que c'est encore que celui-là? Mais je suis représentant de commerce, monsieur, et je viens vous faire mes offres de service. Oui, ben, c'est à voir, c'est à voir. Qu'est-ce que vous vendez? Eh ben, justement, voilà. Alors, je vends beaucoup de choses à des prix extraordinaires, d'une qualité extra. C'est solide, c'est pas cher, mais depuis le dernier réveillon du jour de l'an, j'ai complètement oublié ce que je vends. Alors, bon. Non, mais encore une fois, c'est d'une qualité extraordinaire. Seulement, oui, voilà. Oui, qu'est-ce que je vends? Oui. Il faut en profiter tout de suite. Oui, peut-être savoir. C'est très ennuyeux, cher monsieur, mais tâchez de vous rappeler, pas aller réfléchir, tâchez de vous rappeler. Oui, je vais. C'est ça. Polyvalent. Oui, patron. En attendant, allez tout de suite me chercher un scotch bien tassé. Ah, j'y cours, patron. Oui, faites vite, hein, c'est urgent, parce que c'est bon pour ce que j'ai. D'accord. Nous avons le vif plaisir de porter à votre aimable connaissance la création dans le cadre du marché commun du CPDS, c'est-à-dire le Comité de propagande du suppositoire. Le siège du comité n'étant pas encore fixé, nous vous donnerons de plus amples renseignements la semaine prochaine. En outre, et parallèlement, est fondé le SFDAP, section française des Amis du Suppositoire, à laquelle vous pouvez d'ores et déjà apporter votre adhésion en lui écrivant 116 avenue du Président Kennedy, où elle tient ses assises. Messieurs, c'est dans la poche. Voilà mon carnet de commandes. Je suis prêt à prendre tous vos ordres. Je vous écoute qui commence. Oui, c'est entendu, monsieur. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous vendez? Voilà, c'est que je ne sais toujours pas ce que je vends. Je veux dire, je n'arrive pas à me rappeler quoi. Oui, bien sûr, oui. Et pourtant, je suis sûr que vous ferez une bonne affaire. D'accord. Oui, écoutez, allez-vous concentrer. C'est ça, vous en priez. Polyvalent, courez et rapportez-moi un autre scotch dans un grand verre, un très grand verre. Oui, c'est parti, patron. On voit bien que vous en avez besoin. Je crois bien, besoin immédiat, Polyvalent. Parce que voyez-vous, hein, c'est bon pour ce que j'ai. Oui. Non, mais c'est pas ça votre annonce. Si, c'est l'annonce Pierre Dac. Pierre Dac, maintenant. Oui, ben c'est maintenant le moment de la victoria. Pierre Dac. Quoi? N'importe quoi, alors. Oh, je suis pas en forme. Pas en forme. Oui, ben allez vous coucher, ça vaudra mieux parce que vous n'allez pas maintenant, non? Quoi? Allez, traite de ouais, allez, bon, et ça voici va. L'éditorial de Pierre Dac. Oui, oh là là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers petits, monsieur le charmeux en chef, mon adjudant, mon colonel, mon général, ma sœur de lait. J'ai l'insigne honneur aujourd'hui de vous informer que les tarifs du métro demeureront inchangés pour les usagers, tout en étant augmentés, 57 centimes au lieu de 37, à partir du 1er juillet 1965. Je n'invente rien. Il s'agit là d'une disposition d'État qui, à première vue, peut paraître paradoxal, mais qui, à l'analyse, se transforme en évidence. Car l'État a tout prévu, c'est lui qui paiera la différence, c'est-à-dire les 20 centimes qui séparent les 37 des 57 centimes. De ce fait, l'usager... Poil au pied. L'usager, qui allongera ses 37 centimes en échange de son billet, on perd officiellement 57 sans avoir à débourser un centime de plus. Mais, et là je cite intégralement le texte gouvernemental... Ouais, nos amygdales. Oui, comme il faut payer la note, la différence sera réglée sous forme d'une subvention répartie ensuite sur l'ensemble des contribuables. Poilorable. C'est-à-dire que tous les citoyens, même les plus décentralisés, contribueront à la saine gestion du métro parisien. Voilà au chien. En compensation, le chemin de fer métropolitain, utilisant 850 millions de kilowattheures d'électricité, les 48 millions de Français, de par leur participation aux frais, auront droit chacun à 18 kilowattheures dont ils pourront disposer à leur gré. Ergrès. Poil. Enchaînez, on verra. Oui, bon, ça va. En outre. Ah oui, ah bah oui, poil à mazoutre. Ouais, enfin. En outre, poil à mazoutre, ces 18 kWh individuels comporteront un intérêt de 3,5%. Poil aux dents. Oui, oui, ça va. Dont ils pourront à tout moment exiger le paiement à la caisse spéciale du centre de l'EDF, le plus proche de leur domicile, sur simple présentation de, leur carte pardon, d'identité sanguine. Poil aux narines. N'est-ce pas là poil aux canines. N'est-ce pas là le vivant symbole de l'unité nationale retrouvée poil au nez. Et de l'égalité fiscale dans la simple justice. Poil au magasin de pisse. Certes, d'aucuns prétendront que je ne sais pas ce que je dis, ce qui est fort possible, puisque je dis ce que je pense, tout en ayant le sentiment d'avoir raison, même si j'ai tort apparemment, ce qui ne sera pas tellement facile à démontrer. Poil au nez, au pied, au nez, au choix. Au pied, oui. J'en suis fermement convaincu. Bon, alors mission accomplie, terminée. Voici la chronique de Pierre Doris en différé avec vous. Assez d'amnistie. Il faut condamner. Il faut condamner les portes. Le scandale a assez duré. L'heure de la vérité a sonné. La lutte contre les portes entre enfin dans sa phase active. Nous savons qu'il reste dans cette affaire, plus que mystérieuse, bien des points noirs. Et chaque semaine apporte son lot de faits nouveaux, voire de rebondissements. Après les aveux d'une porte cochère, voici que subitement la vérité fait surface. Les portes ont menti, tous les accusent. Elles ont pourtant l'air de se soucier assez peu des accusations portées contre elles. Elles continuent à cerner Paris d'une façon inexorable. Porte de Pantin, porte de la Chapelle, porte de Saint-Cloud, etc. Certaines ont même poussé l'audace jusqu'à s'introduire au cœur de la capitale. Elles l'ont fait avec tellement de cynisme que personne ne s'en est aperçu. Je veux parler de la porte Saint-Denis et de la porte Saint-Martin. Pourquoi demandera-t-on avoir attendu si longtemps avant d'ouvrir le dossier des portes? Tout simplement parce que nous voulons qu'elles soient condamnées, pour que nous ne puissions plus rentrer à Paris, pour que nous soyons forcés de rester essentiellement à la porte, c'est-à-dire éternellement en vacances. Moi, qui suis représentant de commerce, spécialiste du porte-à-porte, je sais de quoi je parle. Il faut condamner les portes, ne serait-ce que parce qu'elles ne sont pas franches. La preuve, la porte est souvent de derrière. La fenêtre, d'ailleurs, ne brille pas non plus par sa loyauté. Ne parle-t-on pas couramment de fausses fenêtres? Donc, condamnons aussi les fenêtres. Quant au vasistas, on le supporte chez nous alors qu'on n'est même pas sûr qu'il soit français. Le mot vasistas vient de l'allemand vasistas, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ou qu'y a-t-il. Le vasistas est donc d'origine germanique. S'il était français, on l'appellerait quoiquignat. Le vasistas appartient à la cinquième colonne. Le vasistas est là pour nous espionner. Il faut le condamner lui aussi. Mais le summum est atteint par celle qui ose vivre sous notre toit, la lucarne. Là, c'est le comble. Elle aussi, il faut la condamner. Et quand nous aurons condamné nos portes, nos fenêtres, nos vasistas et nos lucarnes, dans la joie, la paix et le calme revenus, nous pourrons tous enfin libérer nos instincts. Bam, bam, bam, bam. Alors, messieurs, vous ne voulez vraiment pas m'aider, vous voulez rien m'acheter. Mais c'est pas qu'on veut rien vous acheter, mais qu'est-ce que vous vendez? Oui, je vais vous dire, ne vous fâchez pas, je sais toujours pas. Non, bah, écoutez, voyons, on va essayer de vous aider. Oui. Voyons, est-ce que vous vendez du vin, des tissus, des huîtres? Du chocolat. Des carpettes. Du papier de verre. Des nouilles. Du yaourt. Des nouilles, des esclaves. Bien sûr, je me rappelle. Oui, bon, alors écoutez, allez réfléchir encore un peu. On vous laisse une chance, mais c'est la dernière. Oh là là, polyvalent. Filez la provision. Pardon, patron ? Filez à toute pompe. Ah bon, oui. Oui. Et rapportez-moi à vitesse une bouteille de scotch, parce que c'est bon pour ce que j'ai. Oui, tout de suite, patron. Ah, non, mais dites-moi, excusez-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, pourquoi ? Bah, vous dites tout le temps, c'est bon pour ce que j'ai. Alors, n'est-ce pas, nous, on vous aime bien, hein ? Ah, ouais, ça, c'est sûr. Les copains sont anxieux, on se demande ce que vous pouvez bien avoir. Non, bah, c'est peut-être indiscret. Oh, pas le mot du monde, polyvalent, j'ai soif, tout simplement. Ah bon ? Eh oui. Et maintenant, le point de vue de Frédéric Ringard. Le jour des rois est depuis longtemps passé. On ne voit plus. Et depuis de longs jours déjà, dans les vitrines des pâtissiers, ces galettes rondes et dorées, symboles de cette royauté éphémère qui fait que chacun d'entre nous peut, par le truchement d'une fève fugace ou d'un baigneur concret, régner sur un monde familial, amical ou subi. Ça vous intéresse pas? Si, vraiment, pas si ça vous intéresse pas. J'ai cru que ça vous intéressait pas. Je me rapproche. C'est tellement vrai. Depuis 10 jours, j'écoute attentivement la radio, n'est-ce pas? Je lis de très près les journaux, je suis les gazettes, dans les cafés, j'entends les conversations. Je vais au café très souvent. Vous en sortez là, peut-être? Très souvent. Un canon de temps en temps. Et personne, je n'entends personne rendre hommage au roi. Ouais. Au roi qui, par une succession active et une hérédité longiligne et prolongée, ont permis que fût établie cette coutume si belle, si fraîche et si française de, des rois. Vous n'êtes pas de cet avis. J'ai cru que vous ne comprendre que vous n'étiez pas. Parce que je crois donc de mon devoir de rendre ici un hommage à nos rois de France. Successivement et dans l'ordre. Vous êtes d'accord? Alors, vive les rois. Et tout d'abord, rendons hommage au roi. Allons-y. Rendons hommage à Clodion le chevelu, à Mérové, 448-457, fils du précédent. Childéric Ier, 457-481, Clovis Ier, Clotaire, Chilpéric, Clotaire II, Dagobert Ier, Clovis II, Clotaire et Thierry III, Childebert III, dynastie carolingienne ensuite, Pépin le Bref, 751-768, Charles Ier, Charlemagne, 768-771, Charlemagne seul, Louis Ier le Débonnaire, Charles de Chauve, Louis II le Bègue, Louis III et Carlement, Charles le Gros, Charles III le Simple, Louis XIV d'Outre-mer, Lothaire II, la dynastie capétienne, Eudes, Robert II. La révolution. À ce jour, c'est le roi, alors, celui-là. Polyvalent, il n'y a pas de justice. Pourquoi, patron? Polyvalent, j'ai fait 2 guerres. Hein? Oui. J'ai été cité, blessé, décoré. J'ai fait 1 an de tôle pendant l'occupation. Et j'ai encore soif. Ah oui, vous avez raison, patron. Il n'y a pas de justice. Oh là là. Pardon, messieurs. Oui. Écoutez, je me rends parfaitement compte parce que je ne peux rien vous vendre. Je vais m'en aller. Mettez votre tête dans mon cou. Oui, là, voilà. Vous vous rappelez toujours pas de ce que vous vendez alors? Je vous dis, non, je ne me rappelle pas du tout. Alors, calmez-vous. Écoutez, les gars, moi, je me dévoue. Allez, prenez votre carnet de commande. Merci. Mettez-moi 12. Bon, alors, moi, mettez-moi 12 mètres. Oui, monsieur. Mettez-moi 14 terres. Oui. Bon, ben, filez-moi 22 litres. Puis pendant que vous y êtes, mettez-moi 1 tonne. Oh, merci, messieurs, merci. Toujours dévoué à vos ordres, messieurs. Je vous ferai livrer ça dans les plus brefs délais par hélicoptère. Merci, monsieur. Merci. Ah, ça y est. Ah, je me souviens. Je me souviens ce que je vois. Ça vient de me revenir. Ah, des aides-mémoire. C'était 3-14-116. Une émission de Pierre Dac. Avec son équipe de demeurés, Jean-Yann, Jean Bardin, Robert Namias, René Goscinny, Roger Carrel, Pierre Doris, Laurence Riesner. Avec Elena Bossis. Et de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Chassipoulet, voyons!